Chapitre 34. Ces conseils, donnés avec une bienveillance amicale, n'étaient pas pour rassurer Perrine, déjà inquiète de la venue de Madame Bretonneux. Et cependant, si sincères qu'ils fussent, ils atténuaient la vérité plutôt qu'ils ne l'exagéraient, car précisément parce que Mademoiselle Belhomme était physiquement d'une exagération malheureuse, moralement elle était d'une réserve excessive, ne se mettant jamais en avant, ne disant que la moitié des choses, les indiquant, ne les appuyant pas, pratiquant en tout les préceptes qu'elle venait de donner à Perrine et qui étaient les siens mêmes. En réalité, la situation était encore beaucoup plus difficile que ne le disait Mademoiselle Belhomme, et cela aussi bien par suite des convoitises qui s'agitaient autour de M. Vulfranc que par le fait des caractères des deux mères qui avaient engagé la lutte pour que leur fils héritât seul, un jour ou l'autre, des usines de Maraucourt et d'une fortune qui s'élevait, disait-on, à plus de 100 millions. L'une, Madame Stanislas Pindavoine, femme du frère aîné de M. Vulfranc, avait vécu dévorée d'envie en attendant que son mari, grand marchand de toile de la rue du Sentier, lui gagna l'existence brillante à laquelle ses goûts mondains lui donnaient droit, croyait-elle. Et comme ni ce mari ni la chance n'avaient réalisé son ambition, elle continuait à se dévorer en attendant maintenant que par son oncle, Théodore obtint ce qui lui avait manqué à elle et prit dans le monde parisien la situation qu'elle avait ratée. L'autre, Madame Bretonneux, sœur de M. Vulfranc, mariée à un négociant de Boulogne qui cumulait toutes sortes de professions sans qu'elle l'eût enrichie, agence en douane, agence et assurance maritime, marchand de ciment et de charbon, armateur, commissionnaire expéditeur, roulage, transport maritime, voulait la fortune de son frère autant pour l'amour même de la richesse que pour l'enlever à sa belle-sœur qu'elle détestait. Tant que M. Vulfranc et son fils avaient vécu en bon rapport, elles avaient dû se contenter de tirer de leur frère ce qu'elles en pouvaient obtenir, en prêts d'argent qu'on ne remboursait pas, en garantie commerciale, en influence, en tout ce qu'un parent riche est forcé d'accorder. Mais le jour où, à la suite de prodigalités excessives et de dépenses exagérées, Edmond avait été envoyé dans l'Inde, ostensiblement comme acheteur de jute pour la maison paternelle, en réalité comme fils puni, les deux belles-sœurs avaient pensé à tirer parti de cette situation. Et quand ce fils en révolte s'était marié malgré la défense de son père, elles avaient commencé, chacune de son côté, à se préparer pour que leur fils pût, à un moment donné, prendre la place de l'exilé. À cette époque, Théodore n'avait pas 20 ans, et il ne paraissait pas, parce qu'il s'était montré jusque-là, qu'il pût être jamais propre au travail et aux affaires commerciales. Choyé, gâté par sa mère qui lui avait donné ses goûts et ses idées, il ne vivait que pour les théâtres, les courses et les plaisirs que Paris offre aux fils de famille dont la bourse se remplit aussi facilement qu'elle se vide. Quelle chute quand il lui avait fallu s'enfermer dans un village sous la férule d'un maître qui ne comprenait que le travail et se montrait aussi rigoureux pour son neveu que pour le dernier de ses employés. Cette existence exaspérante, il ne l'avait supportée que le mépris au cœur pour ce qu'elle lui imposait d'ennui, de fatigue et de dégoût. 10 fois par jour, il décidait de l'abandonner. Et s'il ne le faisait point, c'était dans l'espérance d'être bientôt le maître, seul maître de cette affaire considérable, et de pouvoir alors la mettre en action, de façon à la diriger de haut et de loin, surtout de loin, c'est-à-dire de Paris, où il se rattraperait enfin de ses misères. Quand Théodore avait commencé à travailler avec son oncle, Casimir n'avait que 11 ou 12 ans, et était par conséquent trop jeune pour prendre une place à côté de son cousin. Mais pour cela, sa mère n'avait pas désespéré qu'il pût l'occuper un jour en regagnant le temps perdu. Ingénieur, Casimir du Haut de Lix dominerait M. Vulfranc en même temps qu'il écraserait de sa supériorité officielle son cousin qui n'était rien. C'était donc pour l'école polytechnique qu'il avait été chauffé, ne travaillant que les matières exigées pour les examens de l'école, et cela en proportion de leurs coefficients. 58, les mathématiques, 10, la physique, 5, la chimie, 6, le français. Et alors il s'était produit ce résultat fâcheux pour lui, que comme à Maraucourt, les vulgaires connaissances usuelles étaient plus utiles que l'X, l'ingénieur n'avait pas plus dominé l'oncle qu'il n'avait écrasé le cousin. Et même celui-ci avait gardé l'avance que 10 années de vie commerciale lui donnaient, car s'il n'était pas savant, il en convenait, au moins il était pratique, prétendait-il, sachant bien que cette qualité était la première de toutes pour son oncle. Que diable peut-on bien leur apprendre d'utile, disait Théodore, puisqu'ils ne sont pas seulement en état d'écrire clairement une lettre d'affaires avec une orthographe décente. Quel malheur, expliquait Casimir, que mon beau cousin s'imagine qu'on ne peut pas vivre ailleurs qu'à Paris. Quel service, sans cela, il rendrait à mon oncle. Mais qu'attendre de bon d'un monomane qui, dès le jeudi, ne pense qu'à filer le samedi soir à Paris, disposant tout, dérangeant tout dans ce but unique, et qui, du lundi matin au jeudi, reste engourdi dans les souvenirs de la journée du dimanche passée à Paris. Les mères ne faisaient que développer ces deux thèmes en les enjolivant. Mais au lieu de convaincre M. Vulfranc, celle-ci que Théodore seul pouvait être son second, celle-là que Casimir seul était un vrai fils pour lui, elle l'avait plutôt disposé à croire de Théodore ce que disait la mère de Casimir et de Casimir ce que disait celle de Théodore, c'est-à-dire qu'en réalité, il ne pouvait pas plus compter sur l'un que sur l'autre, ni pour le présent ni pour l'avenir. De là chez lui des dispositions à leur égard qui étaient précisément tout autres que celles que chacune d'elles avait si âprement poursuivies, ses neveux, rien que ses neveux, et nullement et à aucun point de vue des fils. Et même dans ses procédés à leur égard, on pouvait facilement voir qu'il avait tenu à ce que cette distinction fût évidente pour tous, car malgré les sollicitations de tout genre, directes et détournées dont on l'avait enveloppé, il n'avait jamais consenti à les loger au château, où cependant les appartements ne manquaient pas, ni à leur permettre de partager sa vie intime, si triste et si solitaire qu'elle fût. « Je ne veux ni querelle ni jalousie autour de moi », avait-il toujours répondu. Et partant de là, il avait donné à Théodore la maison qu'il habitait lui-même avant de faire construire son château, et à Casimir celle de l'ancien chef de la comptabilité que Montbleu remplaçait. Aussi leur surprise avait-elle été vive et leur indignation exaspérée quand une étrangère, une gamine, une bohémienne s'était installée dans ce château où il n'entrait que comme invité. Que signifiait cela? Qui était cette petite fille? Que devait-on craindre d'elle? C'était ce que Madame Bretonneux avait demandé à son fils, mais ses réponses ne l'ayant pas satisfaite, elle avait voulu faire elle-même une enquête qui l'éclaira. Arrivée assez inquiète, il ne lui fallut que peu de temps pour se rassurer, tant Perrine joua bien le rôle que Mademoiselle Bellhomme lui avait soufflé. Si M. Vulfranc ne voulait pas avoir ses neveux à demeure chez lui, il n'en était pas moins hospitalier, et même largement, fastueusement hospitalier pour sa famille, lorsque sa sœur et sa belle-sœur, son frère et son beau-frère venaient le voir à Maraucourt. Dans ces occasions, le château prenait un air de fête qui ne lui était pas habituel. Les fourneaux chauffaient au tirage forcé, les domestiques arboraient leurs livrées, les voitures et les chevaux sortaient des remises et des écuries avec leurs harnais de gala, et le soir, dans l'obscurité, les habitants du village voyaient flamboyer le château depuis le rez-de-chaussée jusqu'aux fenêtres des combles, et de Piquigny à Amiens, d'Amiens à Piquigny, circulaient le cuisinier et le maître d'hôtel chargé des approvisionnements. Pour recevoir Madame Bretonneux, on s'était donc conformé à l'usage établi, et en débarquant à la gare de Piquigny, elle avait trouvé le landau avec cocher et valet de pied pour la mener à Maraucourt, comme en descendant de voiture elle avait trouvé Bastien pour la conduire à l'appartement, toujours le même, qui lui était réservé au premier étage. Mais malgré cela, la vie de travail de M. Vulfranc et de ses neveux, même celle de Casimir, n'avait été modifiée en rien. Il verrait sa sœur aux heures des repas, il passerait la soirée avec elle, rien de plus, les affaires avant tout. Quant aux fils et aux neveux, il en serait de même pour eux, ils déjeuneraient et dîneraient au château, où ils resteraient le soir aussi tard qu'ils voudraient, mais ce serait tout. Sacrées les heures de bureau. Sacrées pour les neveux, elles étaient aussi pour M. Vulfranc, et par conséquent pour Perrine, de sorte que Mme Bretonneux n'avait pas pu organiser et poursuivre son enquête sur « la bohémienne » comme elle l'aurait voulu. Interroger Bastien et les femmes de chambre, aller chez Françoise pour la questionner adroitement, ainsi que Zénobie et Rosalie, était simple et de ce côté elle avait obtenu tous les renseignements qu'on pouvait lui donner, au moins ceux qui se rapportaient à l'arrivée dans le pays de la bohémienne, à la façon dont elle avait vécu depuis ce moment, enfin à son installation auprès de M. Vulfranc, due exclusivement, semblait-il, à sa connaissance de l'anglais. Mais examiner Perrine elle-même qui ne quittait pas M. Vulfranc, la faire parler, voir ce qu'elle était et ce qu'il y avait en elle, chercher ainsi les causes de ses succès subits, ne se présentait pas dans des conditions faciles à combiner. À table, Perrine ne disait absolument rien. Le matin, elle parlait avec M. Vulfranc. Après le déjeuner, elle montait tout de suite à sa chambre. Au retour de la tournée des usines, elle travaillait avec Mademoiselle Bellhomme. Le soir, en sortant de table, elle montait de nouveau à sa chambre. Alors, quand, où, comment la prendre pour la voir seule et librement la retourner? De guerre lasse, Madame Bretonneux, la veille de son départ, se décida à l'aller trouver dans sa chambre où Perrine, qui se croyait débarrassée d'elle, dormait tranquillement. Quelques coups frappés à sa porte l'éveillèrent. Elle écouta, on frappa de nouveau. Elle se leva et alla à la porte à tâtons. « Qui est là ?»« Ouvrez, c'est moi. »« Madame Bretonneux ?»« Oui. » Perrine tira le verrou et vivement Madame Bretonneux se glissa dans la chambre tandis que Perrine pressait le bouton de la lumière électrique. « Couchez-vous, » dit Madame Bretonneux. « Nous serons mieux pour causer. » Et prenant une chaise, elle s'assit au pied du lit de façon à avoir Perrine devant elle. Puis ensuite elle commença. C'est de mon frère que j'ai à vous parler, à propos de certaines recommandations que je veux vous adresser. Puisque vous remplacez Guillaume auprès de lui, vous pouvez prendre des précautions utiles à sa santé et dont Guillaume, malgré tous ses défauts, l'entourait. Vous paraissez intelligente, bonne petite fille. Il est donc certain que si vous le voulez, vous pouvez nous rendre les mêmes services que Guillaume. Je vous promets que nous saurons le reconnaître. Au premier mot, Perrine s'était rassurée. Puisqu'on voulait lui parler de M. Vulfranc, elle n'avait rien à craindre. Mais quand elle entendit Mme Bretonneux lui dire qu'elle paraissait intelligente, sa défiance se réveilla, car il était impossible que Mme Bretonneux, qui, elle, était vraiment intelligente et fine, pût être sincère en parlant ainsi. Or, si elle n'était pas sincère, il importait de se tenir sur ses gardes. « Je vous remercie, madame, » dit-elle en exagérant son sourire niais. « Bien sûr que je ne demande qu'à vous rendre les mêmes services que Guillaume. » Elle souligna ces derniers mots de façon à laisser entendre qu'on pouvait tout lui demander. « Je disais bien que vous étiez intelligente, » reprit Madame Bretonneux, « et je crois que nous pouvons compter sur vous. »« Vous n'avez qu'à commander, madame. »« Tout d'abord, ce qu'il faut, c'est que vous soyez attentive à veiller sur la santé de mon frère et à prendre toutes les précautions possibles pour qu'il ne gagne pas un coup de froid. » qui peut être mortel en lui donnant une de ces congestions pulmonaires auxquelles il est sujet ou qui aggrave sa bronchite. Savez-vous que si cette bronchite se guérissait, on pourrait l'opérer et lui rendre la vue? Songez quelle joie ce serait pour nous tous. Cette fois, Perrine répondit. Moi aussi, je serais bien heureuse. Cette parole prouve vos bons sentiments. Mais vous, si reconnaissante que vous soyez de ce qu'on fait pour vous, vous n'êtes pas de la famille. Elle reprit son air niais. « Bien sûr, mais ça n'empêche pas que je sois attachée à M. Vulfranc. Vous pouvez me croire. »« Justement, vous pouvez nous prouver votre attachement par ces soins de tout instant que je vous indiquais, mais encore bien mieux. Mon frère n'a pas besoin seulement d'être préservé du froid, il a besoin aussi d'être défendu contre les émotions brusques qui, en le surprenant, pourraient le tuer. Ainsi, ces messieurs me disaient qu'en ce moment, il faisait faire recherche sur recherche dans les Indes pour obtenir des nouvelles de son fils, notre cher Edmond. » Elle fit une pause, mais inutilement, car Perrine ne répondit pas à cette ouverture, bien certaine que ces messieurs, c'est-à-dire les deux cousins, n'avaient pas pu parler de ses recherches à Madame Bretonneux. Que Casimir en eût parlé, il n'y avait là rien que de vraisemblable, puisqu'il avait appelé sa mère à son secours. Mais Théodore, cela n'était pas possible. Ils m'ont dit que lettres et dépêches passaient par vos mains et que vous les traduisiez à mon frère. Eh bien, il serait très important, au cas où ces nouvelles deviendraient mauvaises, comme nous ne le prévoyons que trop, hélas, que mon fils en fût averti le premier. Il m'enverrait une dépêche, et comme la distance d'ici à Boulogne n'est pas très grande, j'accourrais soutenir mon pauvre frère. Une sœur, surtout une sœur aînée, trouve d'autres consolations dans son cœur qu'une belle-sœur, vous comprenez ?»« Oh, bien sûr, madame, que je comprends. Il me semble au moins. »« Alors, nous pouvons compter sur vous ?» Perrine hésita un moment, mais elle ne pouvait pas ne pas répondre. « Je ferai tout ce que je pourrai pour M. Vulfranc. »« Et ce que vous ferez pour lui, vous le ferez pour nous, comme ce que vous ferez pour nous, vous le ferez pour lui. Tout de suite, je vais vous prouver que, quant à nous, nous ne serons pas ingrats. Qu'est-ce que vous diriez d'une robe qu'on vous donnerait ?» Perrine ne voulut rien dire, et comme elle devait une réponse à cette offre, elle la mit dans un sourire. « Une belle robe avec une petite traîne, » continua Madame Bretonneux. « Je suis en deuil. » « Mais le deuil n'empêche pas de porter une robe à traîne. Vous n'êtes pas assez habillée pour dîner à la table de mon frère, et même, vous êtes très mal habillée, fagotée comme un chien savant. » Périne savait qu'elle n'était pas bien habillée. Cependant, elle fut humiliée d'être comparée à un chien savant, et surtout de la façon dont cette comparaison était faite, avec l'intention manifeste de la rabaisser. « J'ai pris ce que j'ai trouvé chez Madame Lachaise. » « Madame Lachaise était bonne pour vous habiller quand vous n'étiez qu'une vagabonde. Mais maintenant qu'il a plu à mon frère de vous admettre à sa table, il ne faut pas que nous ayons à rougir de vous. Ce qui, nous pouvons le dire entre nous, a lieu en ce moment. » Sur ce coup, Perrine perdit la conscience du rôle qu'elle jouait. « Ah ! » dit-elle tristement. « Ce que vous êtes drôle avec votre blouse, vous n'en avez pas idée. » Et l'évocation de ce souvenir fit rire Madame Bretonneux, comme si elle avait cette fameuse blouse devant les yeux. « Mais cela est facile à réparer, et quand vous serez belle comme je veux que vous le soyez, avec une robe habillée pour la salle à manger et un joli costume pour la voiture, vous vous rappellerez à qui vous les devez. C'est comme pour votre lingerie. Je me doute qu'elle vaut la robe. Voyons un peu. » Disant cela, d'un air d'autorité, elle ouvrit les uns après les autres les tiroirs de la commode, et méprisante, elle les referma d'un mouvement brusque, en haussant les épaules avec pitié. « Je m'en doutais, » reprit-elle. « C'est misérable, indigne de vous. » Perrine, suffoquée, ne répondit rien. « Vous avez de la chance, » continua Madame Bretonneux, « que je sois venue à Maraucourt et que je me charge de vous. » Le mot qui monta aux lèvres de Perrine fut un refus. Elle n'avait pas besoin qu'on se chargeât d'elle, surtout avec de pareils procédés. Mais elle eut la force de le refouler. Elle avait un rôle à remplir, rien ne devait le lui faire oublier. Après tout, c'étaient les paroles de Madame Bretonneux qui étaient mauvaises et dures. Ses intentions, au contraire, s'annonçaient bonnes et généreuses. « Je vais dire à mon frère, » reprit Madame Bretonneux, « qu'il doit vous commander chez une couturière d'Amiens, dont je lui donnerai l'adresse, la robe et le costume qui vous sont indispensables, et de plus, chez une bonne lingère, un trousseau complet. Fiez-vous-en à moi, vous aurez quelque chose de joli. » qui à chaque instant, je l'espère au moins, me rappellera à votre souvenir. Là-dessus, dormez bien et n'oubliez rien de ce que je vous ai dit. Chapitre 35. Faire tout ce qu'elle pourrait pour M. Vulfranc ne signifiait pas du tout aux yeux de Perrine ce que Mme Bretonneux avait cru comprendre. Aussi se garda-t-elle de jamais dire un mot à Casimir des recherches qui se poursuivaient aux Indes et en Angleterre. Et cependant, quand il la rencontrait seule, Casimir avait une façon de la regarder qui aurait dû provoquer les confidences. Mais quelles confidences eût-elle pu faire alors même qu'elle se fût décidée à rompre le silence que M. Vulfranc lui avait commandé ? Elles étaient aussi vagues que contradictoires, les nouvelles qui arrivaient de Dakar, de Deira et de Londres. Surtout, elles étaient incomplètes, avec des trous qui paraissaient difficiles à combler, surtout pour les trois dernières années. Mais cela ne désespérait pas M. Vulfranc et n'ébranlait pas sa foi. « Nous avons fait le plus difficile, » disait-il quelquefois, « puisque nous avons éclairé les temps les plus éloignés. Comment la lumière ne se ferait-elle pas sur ceux qui sont près de nous ? Un jour ou l'autre, le fils se rattachera, et alors il n'y aura plus qu'à le suivre. » Si, de ce côté, Madame Bretonneux n'avait guère réussi, au moins n'en avait-il pas été de même pour les soins qu'elle avait recommandés à Perrine de donner à M. Vulfranc. Jusque-là, Perrine ne se serait pas permis, les jours de pluie, de relever la capote du phaéton, ni, les jours de froid ou de brouillard, de rappeler à M. Vulfranc qu'il était prudent à lui d'endosser un par-dessus, ou de nouer un foulard autour de son cou, pas plus qu'elle n'aurait osé, quand les soirées étaient fraîches, fermer les fenêtres du cabinet. Mais du moment qu'elle avait été avertie par Madame Bretonneux que le froid, l'humidité, le brouillard, la pluie pouvaient aggraver la maladie de M. Vulfranc, elle ne s'était plus laissée arrêter par ses scrupules et ses timidités. Maintenant, elle ne montait plus en voiture, quel que fût le temps, sans veiller à ce que le par-dessus se trouvât à la place habituelle avec un foulard dans la poche, et au moindre coup de vent frais, elle le posait elle-même sur les épaules de M. Vulfranc ou le lui faisait endosser. Qu'une goutte de pluie vint à tomber, elle arrêtait aussitôt et relevait la capote. Que la soirée ne fût pas tiède après le dîner, elle refusait de sortir. Au commencement, quand il faisait une course à pied, elle allait de son pas ordinaire et il la suivait sans se plaindre, car la plainte était précisément ce qu'il avait le plus en horreur, pour lui-même aussi bien que pour les autres. Mais maintenant qu'elle savait que la marche un peu vive lui était une souffrance accompagnée de tout, d'étouffement, de palpitations, elle trouvait toujours des raisons, sans donner la vraie, pour qu'il ne pût pas se fatiguer et ne fît qu'un exercice modéré, celui précisément qui lui était utile, non nuisible. Une après-midi qu'ils traversaient ainsi à pied le village, ils rencontrèrent Mademoiselle Bellhomme, qui ne voulut point passer sans saluer M. Vulfranc, et après quelques paroles de politesse, le quitta en disant « Je vous laisse sous la garde de votre Antigone. » Que voulait dire cela ? Perrine n'en savait rien, et M. Vulfranc, qu'elle interrogea, ne le savait pas davantage. Alors le soir, elle questionna l'institutrice, qui lui expliqua ce qu'était cette Antigone, en lui faisant lire, avec un commentaire approprié à sa jeune intelligence, ignorante des choses de l'Antiquité, l'Œdipe à colonne de Sophocle. Et les jours suivants, abandonnant le tour du monde, Perrine recommença cette lecture pour M. Vulfranc, qui s'en montra ému, sensible surtout à ce qui s'appliquait à sa propre situation. « C'est vrai, dit-il, que tu es une Antigone pour moi, et même plus, puisqu'Antigone, fille du malheureux Œdipe, devait ses soins et sa tendresse à son père. » Par là, Perrine vit quel chemin elle avait fait dans l'affection de M. Vulfranc, qui n'avait pas pour habitude de se répandre en effusion. Elle en fut si bouleversée que, lui prenant la main, elle la lui baisa. « Oui, dit-il, tu es une bonne fille. » Et lui mettant la main sur la tête, il ajouta. « Même quand mon fils sera de retour, tu ne nous quitteras pas. Il saura reconnaître ce que tu as été pour moi. » « Je suis si peu, et je voudrais être tant. Je lui dirai ce que tu as été, et d'ailleurs il le verra bien, car c'est un homme de cœur que mon fils. » Bien souvent il s'était exprimé dans ces termes, ou d'autres du même genre, sur ce fils, et toujours elle avait eu la pensée de lui demander comment, avec ses sentiments, il avait pu se montrer si sévère. Mais chaque fois les paroles s'étaient arrêtées dans sa gorge serrée par l'émotion. C'était chose si grave pour elle d'aborder un pareil sujet. Cependant, ce soir-là, encouragée par ce qui venait de se passer, elle se sentit plus forte. Jamais occasion s'était-elle présentée plus favorable. Elle était seule avec M. Vulfranc, dans son cabinet où jamais personne n'entrait sans être appelé, assise près de lui, sous la lumière de la lampe. Devait-elle hésiter plus longtemps ? Elle ne le crut pas. « Voulez-vous me permettre, dit-elle, le cœur angoissé et la voix frémissante, de vous demander une chose que je ne comprends pas et à laquelle je pense à chaque instant sans oser en parler. Oui, dis-moi. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'aimant votre fils comme vous l'aimez, vous ayez pu vous séparer de lui. C'est qu'à ton âge, on ne comprend, on ne sent que ce qui est affection, sans avoir conscience du devoir. Or, mon devoir de père me faisait une loi d'imposer à mon fils, coupable de fautes qui pouvaient l'entraîner loin, une punition qui serait une leçon. Il fallait qu'il ait la preuve que ma volonté était au-dessus de la sienne. C'est pourquoi je l'envoyais aux Indes, où j'avais l'intention de ne le tenir que peu de temps, et où je lui donnais une situation qui ménageait sa dignité, puisqu'il était le représentant de ma maison. Pouvais-je prévoir qu'il s'éprendrait de cette misérable créature et se laisserait entraîner dans un mariage fou, absolument fou ? Mais le père Fildes dit que celle qu'il a épousée n'était point une misérable créature. Elle en était une, puisqu'elle a accepté un mariage nul en France, et dès lors je ne pouvais pas la reconnaître pour ma fille, pas plus que je ne pouvais rappeler mon fils près de moi, tant qu'il ne se serait pas séparé d'elle. C'eût été manquer à mon devoir de père, en même temps qu'abdiquer ma volonté, et un homme comme moi ne peut pas en arriver là. Je veux ce que je dois, et ne transige pas plus sur la volonté que sur le devoir. » Il dit cela avec une fermeté d'accent qui glaça Perrine. Puis tout de suite il poursuivit. « Maintenant, tu peux te demander comment, n'ayant pas voulu recevoir mon fils après son mariage, je veux présentement le rappeler près de moi. C'est que les conditions ne sont plus aujourd'hui ce qu'elles étaient à cette époque. Après 13 années de ce prétendu mariage, mon fils doit être aussi las de cette créature que de la vie misérable qu'elle lui a fait mener près d'elle. D'autre part, les conditions pour moi sont changées aussi. Ma santé est loin d'être restée ce qu'elle était. Je suis malade, je suis aveugle, et je ne peux recouvrer la vue que par une opération qu'on ne risquera que si je suis dans un état de calme, lui assurant des chances sérieuses de réussite. Quand mon fils saura cela, crois-tu qu'il hésitera à quitter cette femme, à laquelle d'ailleurs j'assurerai la vie la plus large ainsi qu'à sa fille? Si je l'aime, il m'aime aussi. Que de fois a-t-il tourné ses regards vers Maraucourt? Que de regrets n'a-t-il pas éprouvés? Qu'il apprenne la vérité, et tu le verras courir. Il devrait donc quitter sa femme et sa fille? Il n'a pas de femme, il n'a pas de fille. Le père Fildès dit qu'il a été marié dans la chapelle de la mission par le père Leclerc. Ce mariage est nul en France, pour avoir été contracté contrairement à la loi. Mais aux Indes est-il nul aussi? Je le ferai casser à Rome. Mais sa fille? La loi ne reconnaît pas cette fille. La loi est-elle tout? Que veux-tu dire? Que ce n'est pas la loi qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses enfants, ses parents? Ce n'était pas en vertu de la loi que j'aimais mon pauvre papa, mais parce qu'il était bon, tendre, affectueux, attentif pour moi, parce que j'étais heureuse quand il m'embrassait, joyeuse quand il me disait de douces paroles ou qu'il me regardait avec un sourire, et parce que je n'imaginais pas qu'il n'y eût rien de meilleur que d'être avec lui, même quand il ne me parlait point et s'occupait de ses affaires. Et lui, il m'aimait parce qu'il m'avait élevée, parce qu'il me donnait ses soins, son affection, et plus encore, je crois bien, parce qu'il sentait que je l'aimais de tout mon cœur. La loi n'avait rien à voir là-dedans. Je ne me demandais pas si c'était la loi qui le faisait mon père, car j'étais bien certaine que c'était l'affection que nous avions l'un pour l'autre. Où veux-tu en venir? Pardonnez-moi si je dis des paroles qui vous paraissent déraisonnables, mais je parle tout haut comme je pense, comme je sens. Et c'est pour cela que je t'écoute, parce que tes paroles, pour peu expérimentées qu'elles soient, sont au moins celles d'une bonne fille. Eh bien, monsieur, j'en veux venir à ceci, c'est que si vous aimez votre fils et voulez l'avoir près de vous, lui, de son côté, il doit aimer sa fille et veut l'avoir près de lui. Entre son père et sa fille, il n'hésitera pas. D'ailleurs, le mariage annulé, elle ne sera plus rien pour lui. Les filles de l'Inde sont précoces, il pourra bientôt la marier, ce qui, avec la dot que je lui assurerai, sera facile. Il ne sera donc pas assez peu sensé pour ne pas se séparer d'une fille qui, elle, n'hésiterait pas à se séparer bientôt de lui pour suivre son mari. D'ailleurs, notre vie n'est pas faite que de sentiments, elle l'est aussi d'autres choses qui pèsent d'un lourd poids sur nos déterminations. Quand Edmond est parti pour les Indes, ma fortune n'était pas ce qu'elle est maintenant. Quand il verra, et je la lui montrerai, la situation qu'elle lui assure à la tête de l'industrie de son pays, l'avenir qu'elle lui promet, avec toutes les satisfactions des richesses et des honneurs, ce ne sera pas une petite moricaude qui l'arrêtera. Mais cette petite moricaude n'est peut-être pas aussi horrible que vous l'imaginez. Une hindoue. Les livres que je vous lisais disent que les hindous sont en moyenne plus beaux que les Européens. Exagération de voyageurs. Qu'ils ont les membres souples, le visage d'un ovale pur, les yeux profonds avec un regard fier, la bouche discrète, la physionomie douce, qu'ils sont adroits, gracieux dans leurs mouvements, qu'ils sont sobres, patients, courageux au travail, qu'ils sont appliqués à l'étude. Tu as de la mémoire? Ne doit-on pas retenir ce qu'on lit? Enfin, il résulte de ces livres qu'une hindoue n'est pas forcément une horreur comme vous êtes disposé à le croire. Que m'importe, puisque je ne la connaîtrai pas? Mais si vous la connaissiez, vous pourriez peut-être vous intéresser à elle, vous attacher à elle. Jamais! Rien qu'en pensant à elle et à sa mère, je suis pris d'indignation. Si vous la connaissiez, cette colère s'apaiserait peut-être. Il serra les poings dans un moment de fureur qui troubla Perrine, mais cependant ne lui coupa pas la parole. J'entends, si elle n'était pas du tout ce que vous supposez, car elle peut, n'est-ce pas, être le contraire de ce que votre colère imagine, le père Fildès dit que sa mère était douée des plus charmantes qualités, intelligente, bonne, douce. Le père Fildès est un brave prêtre qui voit la vie et les gens avec trop d'indulgence. D'ailleurs, il ne l'a pas connue, cette femme dont il parle. Il dit qu'il parle d'après les témoignages de tous ceux qui l'ont connue. Ces témoignages de tous n'ont-ils pas plus d'importance que l'opinion d'un seul? Enfin, si vous la receviez dans votre maison, n'aurait-elle pas, elle, votre petite fille, des soins plus intelligents que ceux que je peux avoir, moi? Ne parle pas contre toi. Je ne parle ni pour ni contre moi, mais pour ce qui est la justice. La justice, telle que je la sens, ou si vous voulez, pour ce que, dans mon ignorance, je crois être la justice. Précisément parce que sa naissance est menacée et contestée, cette jeune fille, en se voyant accueillie, ne pourrait pas ne pas être émue d'une profonde reconnaissance. Pour cela seule, en dehors de toutes les autres raisons qui la pousseraient, elle vous aimerait de tout son cœur. » Elle joignait les mains en le regardant, comme s'il pouvait la voir, et avec un élan qui donnait à sa voix un accent vibrant. « Ah, monsieur, ne voulez-vous pas être aimé par votre fille ?» Il se leva d'un mouvement impatient. « Je t'ai dit qu'elle ne serait jamais ma fille. Je la hais, comme je hais sa mère, elle qui m'ont pris mon fils et me le garde. Est-ce que, si elle ne l'avait pas ensorcelé, il ne serait pas près de moi depuis longtemps ? Est-ce qu'elles n'ont pas été tout pour lui, quand moi son père je n'étais rien ?» Il parlait avec véhémence, en marchant à pas saccadés par son cabinet, emporté, secoué par un accès de colère qu'elle n'avait pas encore vu. Tout à coup, il s'arrêta devant elle. « Monte à ta chambre, » dit-il. « Et plus jamais, tu entends, plus jamais ne te permets de me parler de ces misérables. Car enfin, de quoi te mêles-tu ? Qui t'a chargé de me tenir un pareil discours ?» Un moment interdite, elle se remit. « Oh, personne, monsieur, je vous jure, j'ai traduit, moi, fille sans parents, ce que mon cœur me disait me mettant à la place de votre petite fille. » Il se radoucit, mais ce fut encore d'un ton menaçant qu'il ajouta. « Si tu ne veux pas que nous nous fâchions, désormais n'aborde jamais ce sujet. » Qui m'est, tu le vois, douloureux. Tu ne dois pas m'exaspérer. Pardonnez-moi, dit-elle, la voix brisée par les larmes qui l'étouffaient. Certainement, j'aurais dû me taire. Tu l'aurais dû, d'autant mieux que ce que tu as dit était inutile. Chapitre 36. Pour suppléer aux nouvelles que ses correspondants ne lui donnaient point sur la vie de son fils pendant les 3 dernières années, M. Vulfranc faisait paraître dans les principaux journaux de Calcutta, de Dhaka, de Dera, de Bombay et de Londres une annonce répétée chaque semaine promettant 40 livres de récompense à qui pourrait fournir un renseignement si mince qu'il fût, mais certain cependant, sur Edmond Pindavoine. Et comme une des lettres qu'il avait reçues de Londres parlait d'un projet d'Edmond de passer en Égypte et peut-être en Turquie, il avait étendu ses insertions au Caire, à Alexandrie, à Constantinople. Rien ne devait être négligé, même l'impossible, même l'improbable. D'ailleurs, n'était-ce pas l'improbable qui devenait le vraisemblable dans cette existence chaotée ? Ne voulant pas donner son adresse, ce qui eût pu l'exposer à toutes sortes de sollicitations plus ou moins malhonnêtes, c'était celle de son banquier à Amiens que M. Vulfranc avait indiquée. C'était donc celui-ci qui recevait les lettres que l'offre des 1 000 francs provoquait et qui les transmettait à Maraucourt. Mais de ces lettres assez nombreuses, pas une seule n'était sérieuse. La plupart provenaient d'agents d'affaires qui s'engageaient à faire des recherches dont ils garantissaient le succès, si on voulait bien leur envoyer une provision indispensable aux premières démarches. Quelques-unes étaient de simples romans qui se lançaient dans une fantaisie vague, promettant tout et ne donnant rien. D'autres enfin racontaient des faits remontant à 5, 10, 12 ans. Aucune ne se renfermait dans les 3 dernières années fixées par l'annonce, pas plus qu'elle ne fournissait l'indication précise demandée. C'était Perrine qui lisait ces lettres ou les traduisait, et si nulles qu'elles fussent généralement, elles ne décourageaient pas M. Vulfranc et n'ébranlaient pas sa foi. « Il n'y a que l'annonce répétée qui produise de l'effet, » disait-il toujours. Et sans se lasser, il répétait les siennes. Un jour, enfin, une lettre datée de Sarajevo en Bosnie apporta une offre qui paraissait pouvoir être prise en considération. Elle était en mauvais anglais et disait que si l'on voulait déposer les 40 livres promises par l'insertion du Times chez un banquier de Sarajevo, on s'engageait à fournir des nouvelles authentiques de M. Edmond Pindavoine remontant au mois de novembre de la précédente année. Au cas où l'on accepterait cette proposition, on devait répondre poste restante à Sarajevo sous le numéro 917. « Eh bien, tu vois si j'avais raison !» s'écria M. Vulfranc. « C'est près de nous, le mois de novembre !» Et il montra une joie qui était un aveu de ses craintes. C'était maintenant qu'il pouvait affirmer l'existence d'Edmond, avec preuve à l'appui et non plus seulement en vertu de sa foi paternelle. Pour la première fois depuis que ses recherches se poursuivaient, il parla de son fils à ses neveux et à Talwell. « J'ai la grande joie de vous annoncer que j'ai des nouvelles d'Edmond. Il était en Bosnie au mois de novembre. » L'émoi fut grand quand ce bruit se répandit dans le pays. Comme toujours, en pareilles circonstances, on l'amplifia. « Monsieur Edmond va arriver. Est-ce possible ? Si vous voulez en avoir la certitude, regardez la mine des neveux et de Talouel. » En réalité, elle était curieuse, cette mine, préoccupée chez Théodore autant que chez Casimir, avec quelque chose de contraint. Au contraire, épanouie chez Talouel, qui, depuis longtemps, avait pris l'habitude de faire exprimer à sa physionomie, comme à ses paroles, précisément le contraire de ce qu'il pensait. Cependant, il y avait des gens qui ne voulaient pas croire à ce retour. « Le vieux a été trop dur. Le fils n'avait pas mérité que pour quelques dettes, on l'envoyât aux Indes. Mis en dehors de sa famille, il s'en est créé une autre là-bas. Et puis, être en Bosnie, en Turquie, quelque part par là, cela ne veut pas dire qu'on est en route pour Maraucourt. Est-ce que la route des Indes en France passe par la Bosnie ?» Cette réflexion était de Bendit, qui, avec son sang-froid anglais, jugeait les choses au seul point de vue pratique, sans y mêler aucune considération sentimentale. « Comme vous, je désire le retour du fils, » disait-il. « Cela donnerait à la maison une solidité qui lui manque, mais il ne suffit pas que je désire une chose pour que j'y croie. C'est français, cela, ce n'est pas anglais. Et moi, vous savez, I'm an Englishman. » Justement parce que ses réflexions étaient d'un anglais, elle faisait hausser les épaules. Si le patron parlait du retour de son fils, on pouvait avoir foi en lui. Il n'était pas homme à s'emballer, le patron. « En affaires, oui, mais en sentiments, ce n'est pas l'industriel qui parle, c'est le père. » À chaque instant, M. Vulfranc s'entretenait avec Perrine de ses espérances. « Ce n'est plus qu'une affaire de temps. La Bosnie, ce n'est pas l'Inde, une mer dans laquelle on disparaît. Si nous avons des nouvelles certaines pour le mois de novembre, elles nous mettront sur une piste qu'il sera facile de suivre. » Et il avait voulu que Perrine prît dans la bibliothèque les livres qui parlaient de Bosnie, cherchant en eux, sans y trouver une explication satisfaisante, ce que son fils était venu faire dans ce pays sauvage, au climat rude, où il n'y a ni commerce ni industrie. « Peut-être s'y trouvait-il simplement en passant ? » dit Perrine. « Sans doute, et c'est un indice de plus pour prouver son prochain retour. De plus, s'il était là de passage, il semble vraisemblablement qu'il n'était pas accompagné de sa femme et de sa fille, car la Bosnie n'est pas un pays pour les touristes, donc il y aurait séparation entre eux. » Comme elle ne répondait rien malgré l'envie qu'elle en avait, il s'en fâcha. « Tu ne dis rien ? C'est que je n'ose pas ne pas être d'accord avec vous. Tu sais bien que je veux que tu me dises tout ce que tu penses. Vous le voulez pour certaines choses, vous ne le voulez pas pour d'autres. Ne m'avez-vous pas défendu d'aborder jamais ce qui se rapporte à... « cette jeune fille. Je ne veux pas m'exposer à vous fâcher. Tu ne me fâcheras pas en disant les raisons pour lesquelles tu admets qu'elles ont pu venir en Bosnie. D'abord, parce que la Bosnie n'est pas un pays inabordable pour des femmes, surtout quand ces femmes ont voyagé dans les montagnes de l'Inde, qui ne ressemblent en rien pour les fatigues et les dangers à celles des Balkans. Et puis, d'un autre côté, si M. Edmond ne faisait que traverser la Bosnie, je ne vois pas pourquoi sa femme et sa fille ne l'auraient pas accompagné, puisque les lettres que vous avez reçues des différentes contrées de l'Inde disent que partout elles étaient avec lui. Enfin, il y a encore une autre considération que je n'ose pas vous dire, précisément parce qu'elle n'est pas d'accord avec vos espérances. » « Dis-la quand même. » « Je la dirai, mais à l'avance, je vous demande de ne voir dans mes paroles que le souci de votre santé, qui serait atteinte au cas où votre attente serait déçue, ce qui est possible, n'est-ce pas ? Explique-toi clairement. De ce que M. Edmond est à Sarajevo au mois de novembre, vous concluez qu'il doit être de retour ici, bientôt. Évidemment. Et cependant, on peut ne pas le retrouver. Je n'admets pas cela. Une raison ou une autre peut l'empêcher de revenir. N'est-il pas possible qu'il ait disparu ? Disparu ? S'il était retourné aux Indes, ou ailleurs, s'il était parti pour l'Amérique. Les si entassés les uns par-dessus les autres conduisent à l'absurde. Sans doute, monsieur, mais en choisissant ceux qu'on désire et en repoussant les autres, on s'expose. À quoi ? Quand ce ne serait qu'à l'impatience. Voyez dans quel état agité vous êtes depuis que vous avez reçu cette nouvelle de Sarajevo. Et cependant, les délais ne sont pas écoulés pour que la réponse vous soit parvenue. Vous ne toussiez presque plus. Vous avez maintenant plusieurs accès par jour et aussi des palpitations, de l'essoufflement. Votre visage rougit à chaque instant, les veines de votre front se gonflent, Que se passera-t-il si cette réponse se fait encore attendre, et surtout si... elle n'est pas ce que vous espérez, ce que vous voulez? Vous vous êtes si bien habitué à dire « Cela est ainsi et non autrement » que je ne peux pas ne pas m'inquiéter. Cela est si terrible d'être frappé par le pire quand c'est au meilleur qu'on croit, et si j'en parle ainsi, c'est que cela m'est arrivé. Après avoir tout craint pour mon père, nous étions sûrs de son prompt rétablissement le jour même où nous l'avons perdu. Nous avons été folles, maman et moi, et certainement c'est la violence de ce coup inattendu qui a tué ma pauvre maman. Elle n'a pas pu se relever. 6 mois après, elle est morte à son tour. Alors, pensant à cela, je me dis... Mais elle n'acheva pas. Les sanglots étranglèrent ses paroles dans sa gorge, et comme elle voulait les contenir, car elle comprenait qu'ils ne s'expliquaient pas, ils la suffoquèrent. « N'évoque pas ces souvenirs, pauvre petite, » dit M. Vulfranc, « et parce que tu as été cruellement éprouvée, n'imagine pas qu'il n'y a que malheur en ce monde. Cela serait mauvais pour toi. De plus, cela serait injuste. » Évidemment, tout ce qu'elle dirait, ce qu'elle ferait, n'ébranlerait pas cette confiance qui ne voulait croire possible que ce qui s'accordait avec son désir. Elle ne pouvait donc qu'attendre en se demandant, pleine d'angoisse, ce qui se passerait lorsqu'arriverait la lettre du banquier d'Amiens apportant la réponse de Sarajevo. Mais ce ne fut pas une lettre qui arriva, ce fut le banquier lui-même. Un matin que Talouel, comme à son ordinaire, se promenait sur son banc de car, les mains dans ses poches, surveillant de son regard qui ne laissait rien échapper les cours de l'usine, il vit le banquier qu'il connaissait bien descendre de voiture à la grille des chèdes et se diriger vers les bureaux d'un pas grave avec une attitude compassée. Précipitamment, il dégringola l'escalier de sa véranda et courut au-devant de lui. En approchant, il constata que la mine était d'accord avec la démarche et l'attitude. Incapable de se contenir, il s'écria. « Je suppose que les nouvelles sont mauvaises, cher monsieur !» « Mauvaise !» La réponse se referma dans ce seul mot. Talouel insista. « Mais... mauvaise !» Puis changeant tout de suite de sujet. « Monsieur Vulfranc est dans ses bureaux ?»« Sans doute. Je dois l'entretenir tout d'abord. Cependant, vous comprenez. » Si le banquier, qui dans son attitude embarrassée, fixait ses regards à terre, avait eu des yeux pour voir, il aurait deviné qu'au cas où Talouel deviendrait un jour le maître des usines de Maraucourt, il lui ferait payer cher cette discrétion. Autant Talouel s'était montré obséquieux quand il avait espéré obtenir ce qu'il voulait savoir, autant il afficha de brutalité quand il vit ses avances repoussées. « Vous trouverez M. Vulfranc dans son cabinet » dit-il en s'éloignant, les mains dans ses poches. Comme ce n'était pas la première fois que le banquier venait à Maraucourt, il n'eut pas de peine à trouver le cabinet de M. Vulfranc, et arrivé à sa porte, il s'arrêta un moment pour se préparer. Il n'avait pas encore frappé qu'une voix, celle de M. Vulfranc, cria « Entrez !» Il n'y avait plus à différer. Il entra en s'annonçant. « Bonjour, M. Vulfranc. »« Comment ? C'est vous ? À Maraucourt ? » ?»« Oui, j'avais affaire ce matin à Piquigny, alors j'ai poussé jusqu'ici pour vous apporter des nouvelles de Sarajevo. » Perrine, assise à sa table, n'avait pas besoin que ce nom fût prononcé pour savoir qui venait d'entrer. Elle resta pétrifiée. « Eh bien !» demanda M. Vulfranc d'une voix impatiente. « Elles ne sont pas ce que vous deviez espérer, ce que nous espérions tous. Notre homme a voulu nous escroquer les 40 livres ? Il semble que ce soit un honnête homme. Il ne sait rien. Ses renseignements ne sont que trop authentiques, malheureusement. « Malheureusement ?» C'était la première parole de doute que M. Vulfranc prononçait. Il s'établit un silence, et sur la physionomie de M. Vulfranc qui s'assombrissait, il fut facile de voir par quel sentiment il passait. La surprise, l'inquiétude. « Alors, on n'a plus de nouvelles d'Edmond depuis le mois de novembre, » dit-il. « On n'en a plus. Mais quelles nouvelles a-t-on eues à cette époque ? Quel caractère de certitude, d'authenticité présente-t-elle ? Nous avons des pièces officielles visées par le consul de France à Sarajevo. Mais parlez donc, rapportez ces nouvelles même. En novembre, M. Edmond est arrivé à Sarajevo comme photographe. Allons donc, vous voulez dire avec des appareils de photographie ? Avec une voiture de photographe ambulant, dans laquelle il voyageait en famille, accompagné de sa femme et de sa fille. Pendant quelques jours, il a fait des portraits sur une place de la ville. Il chercha dans les papiers qu'il avait dépliés sur un coin du bureau de M. Vulfranc. « Puisque vous avez des pièces, lisez-les. dit M. Villefranc. « Ce sera plus vite fait. » Je vais vous les lire. Je vous disais qu'il avait travaillé comme photographe sur une place publique, la place Filipovitch. Au commencement de novembre, il quitta Sarajevo pour... Il consulta de nouveau ses papiers. Pour Travnik et tomba ou arriva malade à un village situé entre ces deux villes. « Mon Dieu !» s'écria M. Villefranc. « Mon Dieu, mon Dieu !» Et il joignit les mains, le visage décomposé, tremblant de la tête aux pieds comme si la vision de son fils se dressait devant lui. « Vous êtes un homme de grande force. Il n'y a pas de force contre la mort. Mon fils !»« Eh bien oui, il faut que vous connaissiez l'affreuse vérité. Le 7 novembre, M. Edmond est mort à Boussovatcha, d'une congestion pulmonaire. « C'est impossible !»« Hélas, monsieur, moi aussi j'ai dit c'est impossible en recevant ces pièces, bien que leur traduction soit visée par le consul de France, mais cet acte de décès d'Edmond Villefranc Pindavoine, né à Maraucourt, dans la Somme, âgé de 34 ans, n'emprunte-t-il pas un caractère d'authenticité à ces renseignements même si précis? Cependant, vous l'en doutez malgré tout, j'ai, en recevant ces pièces hier, télégraphié à notre consul à Sarajevo. Voici sa réponse. Pièce authentique, mort certaine. Mais M. Villefranc paraissait ne pas écouter. Affaissé dans son fauteuil, écroulé sur lui-même, la tête penchée en avant, reposant sur sa poitrine, il ne donnait aucun signe de vie, et Perrine, affolée, éperdue, suffoquée, se demandait s'il était mort. Tout à coup, il redressa son visage ruisselant de larmes qui jaillissaient de ses yeux sans regard, et tendant la main, il pressa le bouton des sonneries électriques qui correspondaient dans les bureaux de Talouel, de Théodore et de Casimir. Cet appel était si violent qu'ils accoururent aussitôt, tous trois. « Vous êtes là ? » dit-il. « Talouel, Théodore, Casimir ?» Tous trois répondirent en même temps. « J'apprends la mort de mon fils, elle est certaine. Talouel, arrêtez partout et immédiatement le travail. Téléphonez qu'on affiche qu'il reprendra après-demain et que demain un service sera célébré dans les églises de Maraucourt, Saint-Pipois, Hercheux, Bacourt et Flexel. « Ah, mon oncle !» s'écrièrent d'une même voix les deux neveux. Mais il les arrêta. « J'ai besoin d'être seul, laissez-moi. » Tout le monde sortit, Perrine seule resta. « Aurélie, tu es là ?» demanda M. Villefranc. Elle répondit dans un sanglot. « Rentrons au château. » Comme toujours, il avait posé sa main sur l'épaule de Perrine, et ce fut ainsi qu'ils sortirent, au milieu du premier flot des ouvriers qui quittaient les ateliers. Ils traversèrent ainsi le village où déjà la nouvelle courait de porte en porte, et chacun, en les voyant passer, se demandait s'il survivrait à cet écrasement. Comme il était déjà courbé, lui qui d'ordinaire marchait si solide, couché en avant comme un arbre que la tempête a brisé par le milieu de son tronc. Mais cette question, Perrine se la posait avec plus d'angoisse encore, car aux secousses que de sa main il lui imprimait à l'épaule, elle sentait, sans qu'il prononçât une seule parole, combien profondément il était atteint. Quand elle l'eut conduit dans son cabinet, il la renvoya. « Explique pourquoi je veux être seule, dit-il. « Que personne n'entre, que personne ne me parle. » Comme elle allait sortir, « Et je me refusais à te croire. Si vous vouliez me permettre... »« Laisse-moi, » dit-il rudement. Chapitre 37. Toute la nuit, le château fut plein de mouvements et de bruit, car successivement arrivèrent de Paris M. et Mme Stanislas Pindavoine, prévenus par Théodore, de Boulogne M. et Mme Bretonneux, avertis par Casimir, enfin de Dunkerque et de Rouen, les deux filles de Mme Bretonneux, avec leurs maris et leurs enfants. Personne n'aurait manqué au service de ce pauvre Edmond. D'ailleurs, ne fallait-il pas être là pour prendre position et se surveiller? Maintenant que la place était vide, et bien vide à jamais, qui allait s'en emparer? C'était l'heure des manœuvres habiles où chacun devait s'employer entièrement, avec toute son énergie, toute son intelligence, toute son intrigue. Quel désastre si cette industrie, qui était une des forces du pays, tombait aux mains d'un incapable comme Théodore! Quel malheur si un esprit borné comme Casimir en prenait la direction! et aucune des deux familles n'avait la pensée d'admettre qu'une association fût possible, qu'un partage pût se faire entre les deux cousins. On voulait tout pour soi, l'autre n'aurait rien. Quel droit d'ailleurs avait-il à faire valoir, cet autre ? Perrine s'attendait à la visite matinale de Madame Bretonneux et aussi à celle de Madame Padavoine, mais elle ne reçut ni l'une ni l'autre, ce qui lui fit comprendre qu'on ne croyait plus avoir besoin d'elle, au moins pour le moment. Qu'était-elle en effet dans cette maison ? Maintenant, c'était le frère de M. Vulfranc, sa sœur, ses neveux, ses nièces, ses héritiers, enfin, qui y étaient les maîtres. Elle s'attendait aussi à ce que M. Vulfranc l'appellerait pour qu'elle le conduisît à l'église, comme elle le faisait tous les dimanches depuis qu'elle avait remplacé Guillaume. Mais il n'en fut rien, et quand les cloches qui, depuis la veille, sonnaient des glas de quart d'heure en quart d'heure, annoncèrent la messe, elle le vit monter en landau, appuyé sur le bras de son frère, accompagné de sa sœur et de sa belle-sœur, tandis que les membres de la famille prenaient place dans les autres voitures. Alors, n'ayant pas de temps à perdre, elle qui devait faire à pied le trajet du château à l'église, elle partit au plus vite. Elle quittait une maison sur laquelle la mort avait étendu son linceul, et elle fut surprise, en traversant à la hâte les rues du village, de remarquer qu'elles avaient leur air du dimanche, c'est-à-dire que les cabarets étaient pleins d'ouvriers qui buvaient en bavardant avec un tapage assourdissant, tandis que le long des maisons, assises sur des chaises ou sur le pas de leurs portes, les femmes causaient et que les enfants jouaient dans les cours. Personne n'assisterait-il donc au service ? En entrant dans l'église où elle avait eu peur de ne pas pouvoir entrer, elle la vit à moitié vide. Dans le chœur était rangée la famille, ça et là se montraient les autorités du village, les fournisseurs, le haut personnel des usines, mais rares, très rares étaient les ouvriers, hommes, femmes, enfants, qui, en cette journée dont les conséquences pouvaient être si graves pour eux, cependant, avaient eu la pensée de venir joindre leurs prières à celles de leur patron. Le dimanche, sa place était à côté de M. Vulfranc, mais comme elle n'avait pas qualité pour l'occuper, elle prit une chaise à côté de Rosalie qui accompagnait sa grand-mère en grand deuil. « Hélas ! Mon pauvre petit Edmond !» murmura la vieille nourrice qui pleurait. « Quel malheur ! Qu'est-ce que dit M. Vulfranc ?» Mais l'office qui commençait dispensa Perrine de répondre. Et ni Rosalie ni Françoise ne lui adressèrent plus la parole, voyant combien elle était bouleversée. À la sortie, elle fut arrêtée par Mademoiselle Bellhomme, qui, comme Françoise, voulut l'interroger sur M. Vulfranc et à qui elle dut répondre qu'elle ne l'avait pas vu depuis la veille. « Vous rentrez à pied ?» demanda l'institutrice. « Mais oui. Eh bien, nous ferons la route ensemble jusqu'aux écoles. » Perrine eût voulu être seule, mais elle ne pouvait pas refuser. Elle dut suivre la conversation de l'institutrice. « Savez-vous à quoi je pensais en regardant M. Vulfranc se lever, s'asseoir, s'agenouiller pendant l'office, si brisé, si accablé qu'il semblait toujours qu'il ne pourrait pas se redresser ? C'est que pour la première fois aujourd'hui, il a peut-être été bon pour lui d'être aveugle. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'a pas vu combien l'église était peu remplie. C'eût été une douleur de plus que cette indifférence de ses ouvriers à son malheur. Ils n'étaient pas nombreux, cela est vrai. Au moins, il ne l'a pas vu. Mais êtes-vous sûr qu'il ne s'en soit pas rendu compte, par le silence vide de l'église, en même temps que par le brouhaha des cabarets, quand il a traversé les rues du village ? Avec les oreilles, il reconstitue bien des choses. Cela serait un chagrin de plus pour lui, dont il n'a pas besoin, le pauvre homme. Et cependant... » Elle fit une pause pour retenir ce qu'elle allait dire, mais comme elle n'avait pas l'habitude de jamais cacher ce qu'elle pensait, elle ajouta. « Et cependant, ce serait une leçon, une grande leçon, car voyez-vous, mon enfant, nous ne pouvons demander aux autres de s'associer à nos douleurs que lorsque nous nous associons nous-mêmes à celles qu'ils éprouvent ou à leurs souffrances, et on peut le dire parce que c'est l'expression de la stricte vérité. » Elle baissa la voix. « Ce n'a jamais été le cas de M. Vulfranc, homme juste avec les ouvriers, leur accordant ce qu'il leur croit dû, mais c'est tout, et la seule justice comme règle de ce monde, ce n'est pas assez. N'être que juste, c'est être injuste, comme il est regrettable que M. Vulfranc n'ait jamais eu l'idée qu'il pouvait être un père pour ses ouvriers. Mais entraîné, absorbé par ses grandes affaires, il n'a appliqué son esprit supérieur qu'aux seules affaires. Quel bien il eût pu faire cependant, non seulement ici même, ce qui serait déjà considérable, mais partout par l'exemple donné. Qu'il en eût été ainsi, et vous pouvez être certaine que nous n'aurions pas vu aujourd'hui, ce que nous voyons. » Cela pouvait être vrai, mais Perrine n'était pas en situation d'apprécier la morale de ses paroles, qui la blessait par ce qu'elle disait autant que par ce qu'elle les entendait de la bouche de Mademoiselle Bellhomme, pour qui elle s'était vite prise d'une affection respectueuse. Qu'une autre eût exprimé ses idées, il lui semblait que cela l'eût laissée indifférente. Mais elle souffrait de ce qu'elles étaient celles d'une femme en qui elle avait mis une grande confiance. En arrivant devant les écoles, elle se hâta donc de la quitter. « Pourquoi n'entrez-vous pas ? Nous déjeunerions ensemble ?» dit Mademoiselle Bellhomme, qui avait deviné que son élève ne devait pas prendre place à la table de la famille. « Je vous remercie. Monsieur Vulfranc peut avoir besoin de moi. Bon, alors rentrez. » Mais en arrivant au château, elle vit que Monsieur Vulfranc n'avait pas besoin d'elle, et même qu'il ne pensait pas du tout à elle, car Bastien, qu'elle rencontra dans l'escalier, lui dit qu'en descendant de voiture, M. Vulfranc s'était enfermé dans son cabinet où personne ne devait entrer. « En un jour comme aujourd'hui, il ne veut même pas déjeuner avec la famille. »« Elle reste la famille ?»« Vous pensez bien que non. Après le déjeuner, tout le monde part. Je crois qu'il ne voudra même pas recevoir les adieux de ses parents. »« Ah, il est bien accablé. Qu'est-ce que nous allons devenir, mon Dieu ?» « Il faudra nous aider. »« Que puis-je ? Vous pouvez beaucoup. Monsieur Vulfranc a confiance en vous et il vous aime bien. »« Il m'aime ? Je sais ce que je dis, et c'est gros cela. » Comme Bastien l'avait annoncé, toute la famille partit après le déjeuner. Mais jusqu'au soir, Perrine resta dans sa chambre sans que Monsieur Vulfranc la fît appeler. Ce fut seulement un peu avant le coucher que Bastien vint lui dire que le patron la prévenait de se tenir prête à l'accompagner le lendemain matin à l'heure habituelle. Il veut se remettre au travail, mais le pourra-t-il ? Ce sera le mieux, le travail c'est sa vie. Le lendemain, à l'heure fixée, comme tous les matins, elle se trouva dans le hall attendant M. Vulfranc, et bientôt elle le vit paraître, marchant courbé, conduit par Bastien, qui silencieusement fit un signe attristé pour lui dire que la nuit avait été mauvaise. « Aurélie est-elle là ? » demanda-t-il d'une voix altérée, dolente et faible, comme celle d'un enfant malade. Elle s'avança vivement. « Me voilà, monsieur. Montons en voiture. » Elle eût voulu l'interroger, mais elle n'osa pas. Une fois assis en voiture, il s'affaissa et la tête inclinée en avant, il ne prononça pas un mot. Au bas du perron des bureaux, Talwell se tenait prête à le recevoir et à l'aider à descendre, ce qu'il fit obséquieusement. « Je suppose que vous vous êtes senti assez fort pour venir, » dit-il d'une voix compatissante qui contrastait avec l'éclat de ses yeux. « Je ne me suis pas senti fort du tout, mais je suis venu parce que je devais venir. C'est bien ce que je voulais dire. » M. Vulfranc lui coupa la parole en appelant Perrine et en se faisant conduire par elle à son cabinet. Bientôt commença le dépouillement de la correspondance, qui était volumineuse, comprenant les lettres de 2 jours. Il le laissa se faire sans une seule observation, un seul ordre, comme s'il était sourd ou endormi. Ensuite venait la réunion des chefs de service, dans laquelle devait ce jour-là se décider une grosse question qui engageait sérieusement les intérêts de la maison. Devait-on vendre les grandes provisions de jute qu'on avait aux Indes et en Angleterre, en ne gardant que ce qui était indispensable à la fabrication courante des usines pendant un certain temps, ou bien devait-on faire de nouveaux achats ? En un mot, se mettre à la hausse ou à la baisse. Habituellement, les affaires de ce genre se traitaient avec une méthode rigoureuse dont personne ne s'écartait. Chacun, à tour de rôle, en commençant par le plus jeune, donnait son avis et développait ses raisons. M. Vulfranc écoutait et à la fin faisait connaître la résolution qu'il se proposait de suivre. Ce qui ne voulait pas dire qu'il la suivrait, car plus d'une fois on apprenait, 6 mois ou 1 an après, qu'il avait fait précisément le contraire de ce qu'il avait dit. Mais en tout cas, il se prononçait avec une netteté qui émerveillait ses employés, et toujours la discussion aboutissait. Ce matin-là, la délibération suivit sa marche ordinaire. Chacun expliqua ses raisons pour vendre ou pour acheter, mais quand vint le tour de parole de Talwell, ce ne fut pas une affirmation que celui-ci produisit, ce fut un doute. « Je n'ai jamais été si embarrassée. Il y a bien de bonnes raisons pour, mais il y en a de bien fortes contre. » Il était sincère en confessant cet embarras, car c'était une règle chez lui de suivre la discussion sur la physionomie du maître bien plus que sur les lèvres de celui qui parlait, et de se décider d'après ce que disait cette physionomie qu'il avait appris à connaître par une longue pratique, sans s'inquiéter de ce qu'il pouvait penser lui-même. Que pouvait d'ailleurs peser son opinion de la balance, ou de l'autre côté, ce qu'il mettait était une flatterie au patron, dont il devait toujours et en tout devancer le sentiment. Or, ce matin-là, cette physionomie n'avait absolument rien exprimé, qu'un vague exaspérant. Voulait-il acheter? Voulait-il vendre? À vrai dire, il semblait ne pas prendre souci plus de l'un que de l'autre. Absent, envolé, perdu dans un autre monde que celui des affaires. Après Talwell, deux conclusions furent encore émises, puis ce fut au patron de rendre son arrêt. Et comme toujours, même plus complet que toujours, s'établit un respectueux silence tandis que les yeux restaient attachés sur lui. On attendait, et comme il ne disait rien, on s'interrogeait du regard. Avait-il donc perdu l'intelligence ou le sentiment de la réalité? Enfin, il leva le bras et dit « Je vous avoue que je ne sais que décider. » Quelle stupéfaction! Et quoi, il en était là? Pour la première fois depuis qu'on le connaissait, il se montrait indécis, lui toujours si résolu, si bien maître de sa volonté. Et les regards qui tout à l'heure se cherchaient évitaient maintenant de se rencontrer, les uns par compassion, les autres, particulièrement ceux de Talwell et des neveux, de peur de se trahir. Il dit encore « Nous verrons plus tard. » Alors chacun se retira sans dire un mot et en s'en allant sans échanger ses réflexions. Resté seul avec Perrine, assise à la petite table d'où elle n'avait pas bougé, il ne parut pas faire attention au départ de ses employés et garda son attitude accablée. Le temps s'écoula, il ne bougea point. Souvent elle l'avait vu rester, immobile devant sa fenêtre ouverte, plongé dans ses pensées ou ses rêves, et cette attitude s'expliquait, de même que son inaction et son mutisme, puisqu'il ne pouvait ni lire ni écrire. Mais alors, elle ne ressemblait en rien à celle de maintenant, et à le regarder, l'oreille attentive, on pouvait voir sur sa physionomie mobile que par les bruits de l'usine il suivait son travail comme s'il le surveillait de ses yeux, dans chaque atelier ou chaque cour. Le battement des métiers, les échappements de la vapeur, les ronflements des canetières, les lamentables gémissements de la valseuse, le décrochage et l'accrochage des wagons, le roulement des wagonnets, les coups de sifflet des locomotives, les commandements de manœuvre et même le sabotage des ouvriers quand ils traversaient d'un pas traîné un chemin pavé, rien ne se confondait pour lui et de tout il se rendait un compte exact qui lui permettait de savoir ce qui se faisait et avec quelle activité ou quelle nonchalance cela se faisait. Mais maintenant, oreille, visage, physionomie, mouvement, tout paraissait pétrifié, momifié comme l'eût été une statue. Cela était si saisissant que Perrine, dans ce silence, se sentait envahie par une sorte de terreur qui l'anéantissait. Tout à coup, il mit ses deux mains sur son visage et d'une voix forte, avec la conscience d'être seul ou plutôt sans conscience de l'endroit où il était et de ceux qui pouvaient l'entendre, il dit « mon Dieu, vous vous êtes retiré de moi, qu'ai-je donc fait pour que vous m'abandonniez ?» Puis le silence reprit, plus écrasant, plus lugubre, pour Perrine, que ce cri avait bouleversé. Bien qu'elle ne pût pas mesurer toute l'étendue et la profondeur du désespoir qui l'accusait. C'est qu'en effet, M. Vulfranc, par la grande fortune qu'il avait faite et la situation qu'il occupait, on était arrivé à croire qu'il était un privilégié, en quelque sorte un élu, dont la Providence se servait pour conduire le monde. Parti de si bas, comment serait-il parvenu si haut, s'il n'avait été servi que par sa seule intelligence? Une main toute puissante l'avait donc tiré de la foule pour de grandes choses, et plus tard guidé si sûrement que ses idées avaient toujours obéi à une inspiration supérieure, de même que ses actes à une direction infaillible. Ce qu'il désirait avait toujours réussi. Dans ses batailles, il avait toujours triomphé, et toujours ses adversaires avaient succombé. Mais voilà que tout à coup, ce qu'il voulait le plus ardemment, ce qu'il se croyait sûr d'obtenir, pour la première fois, ne se réalisait pas. Il attendait son fils, il savait qu'il allait le voir arriver, toute sa vie était désormais arrangée pour cette réunion, et son fils était mort. Alors quoi? Il ne comprenait pas, ni le présent, ni le passé. Qu'avait-il été? Qu'était-il? Et si vraiment il avait été ce que pendant 40 ans il avait cru être, pourquoi ne l'était-il plus ?